Bonne Néron s'en alla un jour après une scène, au milieu du déjeuner, alors qu'il régnait un grand silence. Elle cria tout à coup « Oui, je veux m'en aller, et je m'en irai !» Comme sœur Marie-Aimée la regardait, tout étonnée, elle lui fit face en baissant la tête qu'elle secouait et lançait en avant, criant plus fort qu'elle ne souffrirait pas plus longtemps d'être commandée par une morveuse. Oui, une morveuse. Elle était arrivée à reculons près de la porte. Elle l'ouvrit tout en donnant de furieux coups de tête, et avant de disparaître, elle lança son grand bras dans la direction de sœur Aimée, et avec un profond mépris, elle dit « Ça n'a pas seulement 25 ans !» Quelques petites filles étaient terrifiées, d'autres éclatèrent de rire. Madeleine eut une véritable crise de nerfs. Elle se jeta aux genoux de Marie-Aimée en lui enlaçant les jambes et en embrassant sa robe. Elle lui prit les mains, qu'elle frotta contre sa grosse bouche humide. Tout cela en poussant des cris, comme si une catastrophe épouvantable était arrivée. Sœur Marie-Aimée n'arrivait pas à se dégager. Elle finit par se fâcher. Alors Madeleine s'évanouit en tombant sur le dos. Tout en la dégrafant, sœur Marie-Aimée fit un signe de mon côté. Croyant qu'elle avait besoin de mes services, j'accourus. Mais elle me renvoya. « Non, pas toi, Marie-Renaud. » Elle lui remit ses clés, et bien que Marie-Renaud ne fût jamais entrée dans la chambre de sœur Marie-Aimée, elle trouva tout de suite le flacon demandé. Madeleine se remit très vite, et en prenant la place de Bonne Néron, elle prit de l'autorité. Elle restait timide et soumise devant sœur Marie-Aimée, mais elle se rattrapait sur nous, en braillant à tout propos qu'elle était notre surveillante, non pas notre bonne. Le jour de son évanouissement, j'avais vu ses seins, qui m'avaient paru si beaux que je n'avais encore rien imaginé de pareil. Mais je la trouvais bête et ne faisais aucun cas de ses remontrances. Cela la mettait en colère. Elle me criblait de mots grossiers et finissait toujours par me traiter d'espèce de princesse. Elle ne pouvait supporter l'affection que me montrait sœur Marie-Aimée, et quand elle la voyait m'embrasser, elle rougissait de dépit. Je commençais à grandir et j'étais assez bien portante. Sœur Marie-Aimée disait qu'elle était fière de moi. Elle me serrait si fort en m'embrassant qu'elle me faisait mal. Puis elle disait, en posant délicatement ses doigts sur mon front, « Ma petite fille, mon petit enfant. » Pendant les récréations, je restais souvent près d'elle. Je l'écoutais lire. Elle lisait d'une voix profonde et mordante, et quand les personnages lui déplaisaient par trop, elle fermait violemment le livre et se mêlait à nos jeux. Elle eût voulu me voir sans défaut. Elle répétait souvent « Je veux que tu sois parfaite, entends-tu ? Parfaite !» Un jour, elle crut que j'avais menti. Nous avions 3 vaches qui paissaient quelquefois sur une pelouse, au milieu de laquelle se trouvait un énorme marronnier. La vache blanche était méchante et nous en avions peur parce qu'elle avait déjà piétiné une petite fille. Ce jour-là, je vis les 2 vaches rouges et, directement sous le marronnier, une belle vache noire. Je dis à Ismérie, « Tiens, on a changé la vache blanche, sans doute parce qu'elle était méchante. » Ismérie, qui était de mauvaise humeur, se mit à crier, disant que je me moquais toujours des autres, en voulant leur faire croire des choses qui n'existaient pas. Je lui montrai la vache. Elle soutint que c'était la blanche. Moi, je soutenais que c'était une noire. Sœur Marie-Aimée entendit. Elle paraissait outrée quand elle dit « Comment peux-tu soutenir que cette vache est noire ?» À ce moment, la vache se déplaça. Elle paraissait maintenant noire et blanche, et je compris que c'était l'ombre du marronnier qui m'avait trompée. J'étais si stupéfaite que je ne trouvais rien à répondre. Je ne savais comment t'expliquer cela. Sœur Marie-Aimée me secoua violemment. « Pourquoi as-tu menti ? Allons, réponds, pourquoi as-tu menti ?» Je répondis que je ne savais pas. Elle m'envoya en pénitence sous le hangar, en m'assurant que je n'aurais comme nourriture que du pain et de l'eau. Comme je n'avais pas menti, la pénitence me laissa indifférente. Sous ce hangar, il n'y avait que de vieilles armoires et des choses servant au jardinage. Je grimpai d'une chose sur l'autre et me trouvai bientôt assise sur la plus haute armoire. J'avais 10 ans et c'était la première fois que je me trouvais seule. J'en ressentis comme un contentement. Tout en balançant mes jambes, j'imaginais tout un monde invisible. Une vieille armoire à ferrure rouillée, devint l'entrée d'un palais magnifique. J'étais une petite fille abandonnée sur une montagne. Une belle dame, vêtue comme une fée, m'avait aperçue et venait me chercher. Des chiens merveilleux couraient devant elle. Ils étaient presque à mes pieds, lorsque je vis, devant l'armoire aux ferrures, sœur Marie-Aimée, qui regardait de tous côtés. Je ne savais pas que j'étais assise sur un meuble. Je me croyais encore sur la montagne. Et j'étais seulement ennuyée que l'arrivée de sœur Marie-Aimée eût fait disparaître le palais avec tous ses personnages. Elle me découvrit au balancement de mes jambes. Et je m'aperçus en même temps qu'elle que j'étais sur une armoire. Elle resta un moment, les yeux levés vers moi, puis elle tira de sa poche de son tablier un morceau de pain, un bout de boudin, une petite fiole de vin, me montra chaque chose l'une après l'autre, et la voix fâchée, elle dit « C'était pour toi, eh bien voilà !» Elle remit le tout dans sa poche et s'en alla. Un instant après, Madeleine m'apporta du pain et de l'eau, et je restai jusqu'au soir sous le hangar. Depuis quelque temps, sœur Marie-Aimée devenait triste. Elle ne jouait plus avec nous. Souvent, elle oubliait l'heure de notre dîner. Madeleine m'envoyait la chercher à la chapelle, où je la trouvais à genoux, le visage caché dans ses mains. Il me fallait la tirer par sa robe pour me faire entendre. Il me sembla plusieurs fois qu'elle avait pleuré, mais je n'osais pas la regarder de peur de la fâcher. Elle paraissait tout absorbée, et quand on lui parlait, elle répondait par oui ou par non, d'un ton sec. Pourtant, elle s'occupa activement d'une petite fête que nous faisions tous les ans à Pâques. Elle fit apporter les gâteaux que l'on rangea sur une table, en les recouvrant d'une nappe blanche pour ne pas donner trop de tentation aux gourmandes. Le dîner s'était passé au milieu d'un babillage énorme, à cause de la permission que nous avions de causer à table les jours de fête. Sœur Marie-Aimée nous avait servi avec un bon sourire et une bonne parole pour chacune. Elle se disposait à nous servir les gâteaux en se faisant aider par Madeleine pour enlever la nappe qui les recouvrait. En ce moment, la chatte qui était dessous sauta à terre et se sauva. Sœur Marie-Aimée et Madeleine poussèrent ensemble un « ah » prolongé, puis Madeleine cria « La sale bête! Elle a mordu à tous les gâteaux !» Sœur Marie-Aimée n'aimait pas la chatte. Elle resta un moment immobile, puis elle courut prendre un bâton et se lança après la bête. Ce fut une course épouvantable. La chatte, affolée, sautait de tous côtés, échappant au bâton qui ne frappait que les bancs et les murs. Toutes les petites filles, prises de peur, se sauvaient vers la porte. Sœur Marie-Aimée les arrêta d'un mot. « Que personne ne sorte !» Elle avait un visage que je ne connaissais pas. Ses lèvres rentrées, ses joues aussi blanches que sa cornette et ses yeux qui faisaient du feu me semblèrent si effrayants que je cachais ma figure dans mon bras. Malgré moi, je regardais de nouveau. La poursuite continuait. Sœur Marie-Aimée, le bâton haut, courait en silence. Ses lèvres s'étaient ouvertes et on voyait des petites dents pointues. Elle courait dans tous les sens, sautant les bancs, montant sur les tables en relevant rapidement ses jupes. Au moment où elle allait l'atteindre, la chatte fit un bond formidable et s'accrocha après un rideau tout en haut d'une fenêtre. Madeleine, qui avait suivi sœur Marie-Aimée avec des mouvements de jeune chien un peu lourds, voulut aller chercher un bâton plus long, mais sœur Marie-Aimée l'arrêta d'un geste en disant « Elle a bien fait de s'échapper !» Bonne Justine, qui était près de moi, disait en se cachant les yeux « Oh, c'est honteux, c'est honteux !» Moi aussi, je trouvais que c'était honteux. Une sorte de déconsidération me venait pour sœur Marie-Aimée, que j'avais toujours cru sans défaut. Je comparais cette scène avec une autre qui s'était passée un jour de grand orage. Combien j'avais trouvé sœur Marie-Aimée au-dessous de tout ce jour-là. Je la revoyais monter sur un banc. Elle fermait tranquillement les hautes fenêtres, en élevant ses beaux bras, dont les larges manches se rabattaient sur ses épaules. Et pendant que nous étions épouvantés par les éclairs et les coups de vent furieux, elle disait d'une voix calme « Mais c'est un ouragan !» Maintenant, sœur Marie-Aimée faisait reculer les petites filles au fond de la salle. Elle ouvrait la porte toute grande à la chatte, qui sortit en trois bonds. L'après-midi, je fus bien étonnée de voir que ce n'était pas notre curé qui disait les vêpres. Celui-ci était grand et fort. Il chantait d'une voix forte et saccadée. Toute la soirée, on parla de lui. Madeleine disait que c'était un bel homme, et sœur Marie-Aimée trouva qu'il avait la voix jeune, mais qu'il prononçait les mots comme un vieillard. Elle dit aussi qu'il avait la démarche jeune et distinguée. Quand il vint nous faire visite, 2 ou 3 jours après, je vis qu'il avait des cheveux blancs qui bouclaient au-dessus de son cou, et que ses yeux et ses sourcils étaient très noirs. Il demanda à voir celle qui se préparait au catéchisme et voulut savoir le nom de chacune. Sœur Marie-Aimée répondit pour moi. Elle dit en mettant sa main sur ma tête. « Celle-ci, c'est notre Marie-Claire. » Ismérie s'approcha à son tour. Il la regarda avec une grande curiosité, la fit tourner le dos et marcher devant lui. Il compara sa taille à celle d'un bébé de 3 ans, et comme il demandait à sœur Marie-Aimée si elle était intelligente, Isménie se retourna brusquement en disant qu'elle était moins bête que les autres. Il se mit à rire, et je vis que ses dents étaient très blanches. Quand il parlait, il faisait un mouvement en avant, comme s'il voulait attraper ses mots qui semblaient lui échapper malgré lui. Sœur Marie-Aimée le reconduisit jusqu'à la porte de la grande cour. Les autres fois, elle n'accompagnait les visiteurs que jusqu'à la porte de la salle. Elle reprit sa place sur son estrade, et au bout d'un moment, elle dit, sans regarder personne, « C'est un homme vraiment très distingué. » Notre nouveau curé habitait dans une petite maisonnette tout près de la chapelle. Le soir, il se promenait dans les allées plantées de tilleuls. Il passait très près du carré de pelouse où nous jouions, et il saluait, en se courbant très bas, sœur Marie-Aimée. Tous les jeudis après-midi, il venait nous rendre visite. Il s'asseyait, en s'appuyant au dossier de sa chaise, et après avoir croisé les jambes l'une sur l'autre, il nous racontait des histoires. Il était très gai, et sœur Marie-Aimée disait qu'il riait de bon cœur. Il arrivait parfois que sœur Marie-Aimée était souffrante. Alors il montait lui faire visite dans la chambre. On voyait passer Madeleine avec une théière et 2 tasses. Elle était rouge et empressée. Quand l'été fut fini, monsieur le curé vint nous voir le soir après dîner. Il passait la veillée avec nous. À 9 heures sonnant, il nous quittait, et sœur Marie-Aimée l'accompagnait toujours dans le couloir jusqu'à la grand-porte.